Bonjour à tous, vous êtes bien sur Radio Gamezo, vous nous écoutez sur le 107FM ou sur internet, il est 8h30, c'est Marion et vous êtes bien dans la matinale. J'espère que vous avez passé un excellent week-end, que vous avez bien profité avec les événements qui ont eu lieu dans les Vosges. C'est vrai qu'il y en avait un petit peu pour tous les goûts, il y avait le trail de Gérardmer, le rallye des Vosges, rue et compagnie à Épinal, et à Épinal toujours le Tatou Show. Donc c'est vrai qu'il y avait de quoi bien profiter ce week-end de s'amuser et en plus le beau temps était de la partie. Nous sommes le lundi 17 juin et c'est le premier jour du bac. Bon courage à tous, ça y est, ça a commencé depuis une demi-heure maintenant avec la fameuse épreuve de philosophie. Bon courage, personnellement je m'en souviens un petit peu, c'était un véritable calvaire pour moi la philosophie. J'ai eu 7 hein, au bac, on va être honnête. Mais bon, à l'époque c'était la moyenne nationale donc j'étais plutôt fière de moi. En tout cas voilà, bon courage à tous nos amis bacheliers. Et nous fêtons aujourd'hui les Hervé, ça vient du celte signifiant fort combattant. Les Hervé possèdent un charme discret, leur attitude est tout à la fois stricte et sélective. Ils passent aisément pour des êtres froids et hautains alors qu'ils sont en réalité réservés et inquiets. S'ils se montrent distants de prime abord, c'est sans doute parce que leur pudeur, leur méfiance et leur timidité les paralysent quelque peu. Pourtant, une fois rassurés sur l'authenticité de leur protagoniste, il s'avère agréable, sociable et profond. Les Hervé manquent de confiance en eux-mêmes et peuvent le compenser par un comportement d'autosatisfaction. Leur caractère est affirmé, leur attitude directe et franche, parfois même s'ils seront capables de rigidité et d'autoritarisme. Volontaires, actifs, ambitieux, ils ont une capacité de travail importante et ont tendance à compter avec le temps. Ils peuvent mobiliser leur énergie dans la poursuite d'un objectif qui leur tient à cœur et s'avéreront matérialistes et égocentriques. Leur esprit est rationnel et logique, et ils savent organiser, gérer et administrer. Le mélange d'influences contraires, le 3 et le 4, peut parfois les amener à être partagés entre extraversion et introversion, générosité et avarice. Néanmoins, ces deux comportements peuvent très bien coexister au sein de la personnalité, mais entraîneront des attitudes contradictoires. Dicton du jour, soleil à la Saint-Hervé fait présager d'un bel été. Temps de Saint-Hervé n'est pas toujours mauvais. Célébration internationale, journée mondiale de la lutte contre la désertification et la sécheresse. Au Guatemala et Salvador, c'est la fête des pères, pour nous c'était hier. Et en Islande, c'est la fête nationale. Et dans les événements qui se sont déroulés un 17 juin 1944, proclamation de la République en Islande. Allez, tout de suite, première pause avec Fabienne Thibault et le titre « Le monde est stone » hein, de Starmania. Thank you. Stone, Fabienne Thibault sur RGM. Il est pile 8h39, on est toujours dans la matinale et on va parler anniversaire avec donc tous ceux qui sont nés un 17 juin 1943, naissance de Barry Manilow, chanteur musicien américain, notamment connu pour le titre Could It Be Magic, dont on écoute tout de suite un extrait. Le titre Could Be Magic qu'on connaît nous plutôt sur le titre Le Temps qui court, qui a notamment été repris par les Enfoirés ou encore même le groupe Alliage pour les fans des boys bands des années 90. Allez, on continue les anniversaires. 1945, naissance d'Eddy Merckx, ancien cycliste belge ayant fait carrière de 1965 à 1978. Souvent considéré comme le plus grand cycliste de l'histoire, il a remporté 625 courses durant sa carrière, ce qui constitue un record. Surnommé le cannibale ou l'ogre de Tervuren, il a notamment gagné 11 grands tours, 5 tours de France, 5 tours d'Italie, 1 tour d'Espagne, ce qui est aussi un record. Il a également terminé 12 fois sur un podium final de grands tours. Seul Jacques Anquetil a fait mieux avec 13. Il a également remporté 3 championnats du monde en ligne, le record de l'heure et 31 victoires dans les classiques, dont 19 monuments. Il a été élu athlète belge du XXe siècle ainsi que meilleur cycliste du XXe siècle par l'Union Cycliste Internationale. 1952, naissance d'Étienne Chatillez, réalisateur français à qui l'on doit la vie est un long fleuve tranquille. 4 Césars, dont la meilleure première œuvre et meilleur scénario. Tati Daniel, Le Bonheur est dans le Pré, Tanguy, Agathe Cléry et plus récemment Tanguy le Retour. C'est également l'année de naissance de Fabienne Thibault, chanteuse canadienne. 1959, naissance de Francis Ginibre, comédien humoriste français qui forme avec Éric Carrière le duo Les Chevaliers du Fiel. 1960, naissance de Thomas Haden Church, acteur américain, connu pour son rôle de Flint Marco alias L'Homme Sable dans Spider-Man 3. 1962, naissance de Wanda Maria Ribeiro Furtado Tavares de Vasconcelos, dit Lio, c'est vrai que c'est plus simple, chanteuse luso-belge. 1963, naissance de Greg Kinnear, acteur américain, vu dans Pour le pire et pour le meilleur dans le rôle de Simon Bishop, Vous avez un message dans le rôle de Frank Navaski, Little Miss Sunshine dans le rôle de Richard Hoover ou encore à la télévision dans Friends ou encore House of Cards. 1964, naissance de Diane et Erin Murphy, actrices américaines qui ont joué le rôle de Tabatha Stevens dans la série Ma sorcière bien-aimée. 1973, naissance de Louis Leterrier, cinéaste français, réalisateur du film Le Transporteur, Danny the Dog, Le Choc des Titans, Insaisissable, réalisateur et scénariste de L'Incroyable Hulk, réalisateur et producteur du Transporteur 2 et producteur de Jeanne d'Arc et La Colère des Titans. 1980, naissance de Venus Williams, joueuse de tennis américaine, américaine professionnelle depuis 1994 qui était numéro 1 mondiale en simple. C'était en 2002 qui a gagné 5 fois Wimbledon, 2 fois l'US Open, 2 fois finaliste à l'Open d'Australie et une fois finaliste à Roland-Garros. En double, elle a été numéro 1 mondiale en 2010. Elle a gagné 6 Wimbledon, 4 Open d'Australie, 2 Roland-Garros et 2 US Open aux Jeux Olympiques. En simple, elle a remporté une médaille d'or. En double, elle en a remporté 3. Et en double mixte, elle a remporté une médaille d'argent. Et elle a également remporté avec les États-Unis une Fed Cup. C'était en 99. 1982, naissance d'Arthur Darvy, l'acteur britannique, vu en 2010 dans Robin des Bois de Ridley Scott, à la télévision dans Doctor Who dans le rôle de Rory Williams, Broadchurch dans le rôle du révérend Paul Cotes, Legend of Tomorrow dans le rôle de Rip Hunter. C'est également l'année de naissance de Jodie Whittaker, actrice britannique, vue dans Broadchurch dans le rôle de Bess Latimer, Doctor Who dans le rôle du 13e Docteur. 1983, naissance de Lee Ryan, chanteur britannique, membre du groupe Blue. 1985, naissance de Marcos Baghdatis, joueur de tennis chypriote professionnel depuis 2003, qui a été numéro 8 mondial en 2006, qui a été finaliste une fois à l'Open d'Australie, demi-finaliste à Wimbledon et huitième de finaliste à Roland-Garros ainsi qu'à l'US Open. 1986, naissance de Marie Avgeropoulos, actrice canadienne vue dans Percy Jackson, le voleur de foudre, dans le rôle d'une fille d'Aphrodite, dans la série Supernatural, Fringe, Cult, dans le rôle de Christine Nelson Reynolds, ou encore Laissant, dans le rôle d'Octavia Blake. C'est également l'année de naissance de Kate Conway, actrice canadienne connue pour son rôle de Rose Miller dans la série Out With That Dad. Et 1987, naissance de Kendrick Lamar, rappeur américain. On écoute tout de suite un extrait intitulé King Kunta. I got a bone up here. I don't want you monkey mouth motherfucker sitting in my throne again. I'm mad, but I ain't stressing. True friends, one question. Where you and I was walking. Now I run a game, got the whole world talking. King Kunta, everybody wanna cut the legs off him. Kunta, black man taking no losses. Oh yeah. Bitch, where you and I was walking. Now I run a game, got the whole world talking. King Kunta, everybody wanna cut the legs off him. When you got the yams. What's the yams? The yam is the power that Voilà pour l'extrait de Kendrick Lamar. 1997, naissance de Keji Apa, acteur néo-zélandais, vu dans Shortland Street, la série télé, dans le rôle de Kane Jenkins, ou encore Riverdale, dans le rôle d'Archie Andrews. En 2012, décédé Stéphane Bross, skieur alpiniste français, qui au championnat du monde avait remporté 3 médailles d'or, une d'argent, et au championnat d'Europe, une médaille d'or et une d'argent. Allez, tout de suite, on s'écoute Lio avec Les Brunes, compte pas pour des prunes. Tout le monde répète encore que les hommes préfèrent les blondes. Ils fondent pour une décolorée en moins d'une seconde. J'ai l'impression qu'ils confondent et la joconde à moi qu'on la joue. Les brunes comptent pas pour des prunes. C'est Lio qui le dit sur le 107FM. Il est presque 8h50, tout de suite point météo. La météo. Et aujourd'hui, eh bien, on aura une belle journée ensoleillée, des températures comprises entre 12 et 14 degrés ce matin, entre 24 et 26 degrés prévus pour cet après-midi. Mardi sera une journée ensoleillée également, des températures comprises entre 12 et 13 degrés le matin, entre 25 et 27 degrés pour mardi après-midi. Mercredi, belle journée ensoleillée, des températures comprises entre 16 et 17 degrés le matin, entre 27 et 28 degrés prévus pour mercredi après-midi. Va quand même falloir profiter de ces belles journées puisque d'ici la fin de cette semaine, ça va se gâter. Allez, tout de suite, un point sur l'actu sportive. Les résultats sportifs. Et on va faire un tour complet sur l'actualité sportive, pardon, avec notamment du cyclisme et sur le critérium du Dauphiné. À noter que vendredi, la 6e étape a été remportée par Julien Alaphilippe. Le rallye des Vosges, je vous en parlais en début d'émission. Eh bien, la victoire de Sébastien Loeb, sans grande surprise. Handball, messieurs, match de qualification pour l'Euro. La France a battu hier la Roumanie 34 à 25. Les Français terminent donc premiers de leur groupe. Un mot de boxe féminine avec Estelle Yoka-Mosley qui a été sacrée ce week-end championne du monde IBO des poids légers. En basket féminin, des matchs préparatifs à l'Euro. Et vendredi, la France s'est inclinée face à la Turquie. Samedi, la France a gagné face à la Russie. Et hier, à noter que les Français se sont inclinés face à la Serbie. En rugby, finale du top 14 et la victoire de Toulouse 24 à 18 face à Clermont. Un mot de tennis avec au tournoi de Bois-le-Duc la victoire en finale d'Adrian Manarino. À Nottingham, le sacre de Caroline Garcia. Cette semaine, 4 nouveaux tournois. Alors à Majorque, pas de Française sur les cours aujourd'hui. Birmingham aujourd'hui, Mladenovic affrontera Rodina. À Halle, il y aura un duel franco-français entre Herbert et Monfils. Et au tournoi du Queens, Gilles Simon affrontera Ward et Nicolas Mahut sera opposé à Tiafoe. On termine cette actualité avec du football. Tout d'abord, la Copa América et la défaite de l'Argentine 2-0 face à la Colombie ce week-end. Dans les infos transfert, une info publiée par le journal L'Équipe qui dit que le Paris Saint-Germain ne s'opposerait pas à un départ de Neymar. Paul Pogba, lui, dans la presse britannique, a déclaré être prêt à un nouveau défi. Alors, restera ou restera pas à Manchester, tout là est la question. Et on va terminer cette actualité avec l'actualité du moment en football, c'est bien sûr la Coupe du Monde féminine. Et pour démarrer cette page football féminin, eh bien on va parler de la Thaïlande. Vous savez, les Thaïlandaises s'étaient inclinées 13-0 face aux États-Unis. Hier, elles affrontaient la Suède. La Suède menait 4-0 quand soudain, eh bien, une Thaïlandaise a marqué donc le premier but de ce mondial pour la Thaïlande. Autant vous dire, je vous laisse imaginer la joie qu'il y a pu avoir du côté thaïlandais. Les entraîneuses ont même pleuré de joie, tellement elles étaient contentes. Ça n'a pas empêché tout de même la Suède d'inscrire un cinquième but dans les dernières secondes des arrêts de jeu sur pénalty. Et on va parler de l'équipe de France qui est déjà qualifiée pour les huitièmes de finale. Mais ce soir, eh bien, un seul but, battre le Nigeria et terminer ainsi première de leur groupe. Allez les Bleus ! Voilà, c'est tout pour l'actualité sportive. On va tout de suite marquer la dernière pause avec le groupe Blue et leur titre Always. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Your honor, please, gotta believe what I say. What I will tell happened just the other day. I must confess, cause I've had about enough. I need your help, gotta make this here thing stop. Baby, I swear I'll tell the truth about all the things we used to do. And if you thought you had me fooled, road. You go, oh baby. One for the money and the free rides. It's two for the lie that you've been denied. All right, all right, all right. Three for the calls you've been making. It's four for the times you've been faking. All right, I'm gonna tell it to you. All right, I rest my case. You're on the stand with your back against the wall. Nowhere to run, and nobody you can call. Oh no, I just can't wait. Now the case is open wide. You'll try to pray, but the jury will decide. Baby, I swear I'll tell the truth about all the things you used to do. And if you thought you had me fooled, cause you don't know this cat. I know deep down that you don't want me to react. I lay low, leaving all my options open. The decision of the jury has not been spoken. Step in my house, you find that your stuff is gone. But in reality, to whom does the stuff belong? I bring you into court to preach my order. And you know that you overstepped the border. One for the money and the free rides. It's two for the lie that you denied. All rise. All rise. Le groupe Blue avec leur titre All Rise sur RGM. Il est presque 9h, c'est déjà l'heure de se dire au revoir. Avant de se quitter, un point sur ce qui vous attend aujourd'hui à 9h. Ce sera durablement vôtre. À 11h, la Cristoire du cinéma. Midi, la bulle de l'IA consacrée à la brocante fête de la musique à Bellefontaine. À 13h30, la rediffusion des coups de cœur d'Aurélien, la dernière. 15h, salut les 60 avec Gérard consacré à Claude François. 17h30, la rediffusion de la Cristoire du cinéma. 20h, le calendrier de François, minuit, la rediffusion de la bulle de l'IA. Et nous, eh bien, on se retrouve demain matin. Même heure, même endroit. Et excellente journée à tous.